une histoire particulière. Hier, dans le premier épisode de votre histoire particulière, Olivier Chesinski et Vincent Deck vous proposaient de revivre un moment très particulier. Nous sommes à l'été 1972, Reykjavik est le théâtre d'un épisode majeur de la guerre froide, le championnat du monde des échecs qui oppose le soviétique Boris Spassky à l'américain Bobby Fischer. Avant même le début du match, la paranoïa règne dans les deux camps. Il faut dire qu'en pleine guerre froide, l'enjeu est de taille. Ce qui va se passer sur l'échiquier est l'incarnation sublimée de la guerre que se livrent les deux empires, aussi bien au Vietnam que dans l'espace. Только прилетели, сразу сели. Фишки все заранее стоят. Фоторепортеры налетели. La guerre froide sur un échiquier. Le match. Но меня и дома кто положит? Репортерам с ног меня не сбить. Мне же не умение поможет. Этот шифер ни за что не сможет угадать, чем буду я ходить. Nous sommes le 11 juillet 1972 à Reykjavik. Après des semaines d'atermoiement, le match entre Fischer et Spassky va enfin commencer. Dans la sphère soviétique, le retentissement de l'événement est tel que Vladimir Vysotsky en tire une chanson. Fischer y est décrit dans ces termes. N'oublie pas que Fischer est un requin, il ne lâche jamais l'échiquier, il a du cran, il joue propre, il joue tranchant. Par tous les moyens, nous arracherons la couronne à l'ennemi. Je me coucherai comme un pion et me réveillerai comme une reine. While Spassky had big team of supporters, David Edmonds, journaliste à la BBC. Spassky était très entouré. On le conseillait sur son régime et bien d'autres choses. Des grands maîtres étaient là pour le préparer. Mais on sait maintenant que Spassky n'était pas, pour ainsi dire, seul en Islande avec son équipe de joueurs d'échecs. Le KGB portait un très grand intérêt à ce qui se déroulait sur place. Les échecs étaient un élément vital de la machine de propagande soviétique. Les échecs étaient la preuve que le communisme était supérieur au capitalisme, puisque les soviétiques dominaient les échecs depuis la Seconde Guerre mondiale. Bobby Fischer, quant à lui, se préparait seul. Il n'était aidé de personne. Il avait un second, William Lombardi, mais pour l'essentiel, il a effectué seul toute sa préparation. Il s'était fait transcrire la totalité des parties de Boris Spassky et les avait rassemblées dans un dossier rouge dont il ne s'est pas séparé pendant des mois, étudiant sans relâche les parties de Spassky. C'était, comme Fischer lui-même se le représentait, l'Américain solitaire contre la puissante machine soviétique. C'est en principe aujourd'hui que devrait commencer le match d'échecs du siècle, celui qui opposera le tenant du titre mondial, le russe Boris Spassky, à l'américain, son challenger, Bobby Fischer. Et en fait, rien n'est encore joué. Oui, parce que Bobby Fischer trouve que l'échiquier est trop grand et qu'il n'est pas assez éclairé. Ce sont des petits détails, me direz-vous, mais dans un match de cette importance, il compte plus que toute autre chose. Spassky et Fischer doivent jouer 24 parties. Le premier qui en aura remporté 13 sera consacré le meilleur joueur du monde. Il est bien difficile de faire des pronostics. Spassky n'a pratiquement jamais perdu une partie, mais Fischer est, paraît-il, génial dans ce domaine. À 15 ans, il était d'ailleurs grand maître des échecs. So eventually, the game. Spassky tire les blancs et le match commence enfin. Avec une semaine de retard, dans un auditorium bondé. La première partie est extraordinaire. Tout se passait bien, sans excitation particulière. Quand Fischer joue un coup que même un débutant aurait jugé risqué. Il prend un pion tour avec son fou et laisse son fou se faire piéger. Une manœuvre qui, encore aujourd'hui, confond les joueurs d'échecs. Pourquoi a-t-il fait cela? Il n'avait rien à y gagner. Au moment où il joue le coup, il le joue sans beaucoup de réflexion. Darko Anić, grand maître international et psychologue. Il y a un volcan en lui. Il veut que le combat. Et il prend le pion. Parce que s'il ne prend pas, il se nul. Il n'y a rien à faire. Mais il a voulu montrer qu'il n'y aura pas de nul facile. Il faut dire que Fischer, c'est un tel joueur qui ne veut jamais la nul. Et ça, ça crée une pression psychologique sur l'adversaire. Jan Timman, grand maître international, ancien champion des Pays-Bas. Et c'était une erreur de calcul. Mais tout de même, il est étrange qu'il ait pu faire une telle erreur dans une position aussi simple. Pour une raison ou pour une autre, il voulait montrer qu'il pouvait se sortir de n'importe quelle situation. Et en effet, il aurait pu s'en sortir s'il avait joué ensuite plus prudemment. Mais c'est quand même une idée assez folle qu'il a eue là. And indeed, Spassky then trapped his bishop. Spassky piège donc le fou de Fischer et gagne la partie. Et Fischer commence alors à se plaindre du bruit. Il dit avoir été dérangé par le bruit des caméras et leur impute sa défaite. Il ajoute : si vous n'enlevez pas ces caméras, alors je ne jouerai pas la deuxième partie. Mais le producteur Chester Fox, qui a payé très cher les droits de retransmission du match, refuse de retirer les caméras. Les organisateurs tentent alors de les dissimuler du mieux possible. Et le 13 juillet, à 17h, l'arbitre Lothar Schmidt démarre l'horloge. Selon le règlement, si le joueur ne s'est pas présenté dans l'heure qui suit, il sera déclaré forfait. Mais Fischer n'a pas quitté son hôtel. À côté de lui, près du téléphone, son second, le père Lombardi. Dehors, une voiture de la police attend, moteur allumé. Les feux de circulation sont laissés au vert entre l'hôtel et l'auditorium. À 17h30, Fox accepte enfin de retirer ses caméras, pour cette partie uniquement. Mais Fischer demande alors, par la voix de Lombardi, que son horloge soit redémarrée. Spassky refuse. Fischer ne quittera pas l'hôtel. Il ne voulait sans doute pas continuer le match de toute façon. Il est difficile d'expliquer son comportement parfois. Il est clair qu'il n'était pas très bien, mentalement parlant. À 18h, la mort dans l'âme, l'arbitre Lothar Schmidt le déclare forfait. Interactualité Magazine, bonjour. Ce qui devait être le match d'échecs du siècle va peut-être se terminer en queue de poisson si Bobby Fischer ne se présente pas ce soir pour la troisième partie contre Spassky et jeudi pour la quatrième partie. Il sera purement et simplement disqualifié et le soviétique conservera son titre de champion du monde. Fischer, qui n'en fait qu'à sa tête, a des excuses, paraît-il. La télévision le gêne, les dizaines de caméras installées dans la salle l'empêchent de se concentrer. Fischer n'est peut-être pas dans ses meilleurs jours, il a perdu les deux premières parties. So Fischer forfeited the second game. Fischer est donc déclaré forfait à la deuxième partie. Et puis il a annoncé qu'il ne jouerait la troisième partie qu'à la condition qu'elle se déroule dans une petite arrière-salle silencieuse. Spassky n'était pas obligé d'accepter cela. D'ailleurs, son équipe le poussait à refuser. Mais Spassky était un gentleman. Spassky était le champion du monde. Spassky, à ce stade, se sentait de taille à l'emporter. Spassky avait déjà affronté Fischer 4 fois et n'avait jamais perdu. Alors, à ce moment, Spassky était en confiance. Et malgré les pressions des Soviétiques, il voulait continuer à jouer. Alors, il a fait cette concession. Et c'est la concession qui, au bout du compte, allait lui coûter la couronne. Dans cette petite salle, d'ordinaire dédié au tennis de table, Fischer ne tient pas en place. Il ne cesse d'actionner les interrupteurs, il cherche une éventuelle caméra cachée, il crie. Quand Lothar Schmidt lui demande de garder son calme, il lui hurle « Fermez-la !» Choqué, Spassky menace alors de partir. Et Fischer finit par se calmer. La partie peut commencer. Et là, Spassky commence à comprendre qu'il a lâché un peu trop. Ça commence à le déstabiliser. Parce que chaque fois, chaque jour, il a dit, chaque jour on se demande quelle va être la prochaine exigence de Fischer. Il a dit aussi, chaque jour je me demande combien de minutes Fischer va être en retard. Donc il y a des petites choses qui jouent, qui déstabilisent. Donc Spassky, c'est quelqu'un qui est très stable et pourtant ça travaille. On sait que Fischer disait que son objectif en tant que joueur pour gagner, c'était de break the ego, de briser l'ego de l'adversaire. Emilia Robin, historienne de la guerre froide. Et il semble que soit intentionnellement, soit comme résultat des différents caprices, le fait de ne pas se présenter aux deuxième match, etc., il semble que ce comportement ait en fait déstabilisé Spassky. Et j'ai fini par perdre. J'ai perdu au 40e coup quand la nulle était déjà évidente. J'ai perdu contre Fischer pour la première fois de ma vie. C'est comme si je lui avais ouvert la porte. Il a senti ma faiblesse. J'avais détruit de mes propres mains ma position gagnante. Je l'ai compris tout de suite. Et j'ai commencé à me torturer l'esprit. Psychologiquement, j'étais condamné. J'étais convaincu que je pourrais lutter jusqu'au bout. Ce n'était pas une idée en l'air. Mais les forces étaient inégales. À partir de là, il s'est ressaisi et son cerveau s'est mis à fonctionner comme une montre suisse. Le vent a tourné. Fischer est maintenant en ordre de bataille. Spassky est psychologiquement abîmé. Certes, il mène toujours au score. Mais cette troisième partie a vraiment été un tournant. Fischer reprend la main, il a le vent en poupe, et sa domination va s'installer sur 10 ou 11 parties. Est-ce que, selon vous, on a eu peur que Spassky fasse défection? Alors, c'est la crainte constante. Ça, c'est vraiment la crainte constante, et c'est ce que justifie la présence du KGB et les instructions que reçoivent les individus qui sortent du RSS. Et la défection des artistes, des athlètes, des écrivains, ou à l'occasion d'une visite à l'Occident, est une réalité régulière et redoutée par le KGB, oui. Spassky, en tant qu'individu, évidemment, était surveillé parce que il faisait partie de la petite élite qui avait le droit de voyager à l'étranger et que chacune de ses déclarations serait ensuite pesée à Moscou pour vérifier son degré de conformité avec ses instructions. Il ne pouvait pas aller à l'étranger sans avoir signé une série d'instructions dont le premier commandement était défendre l'image de l'Union soviétique et éventuellement le 27e gagner le match. Donc oui, évidemment, il était surveillé et surtout pour un séjour qui durerait 2 mois. Évidemment, le KGB était présent sous une forme de soutien. Le 11e coup de Spassky, c'est F2, F4. C'est une nouveauté dans le système en apparence. Cavalier F5. Quand Fischer ou Spassky pousse un pion sur l'échiquier, ce geste est répercuté 10 000 fois à travers le monde. D8, un coup pour Spassky en vitesse. C'est intéressant, bien sûr, à ce stade, mais le match a... À ce moment, le match domine les titres des journaux du monde entier. Et il se passe beaucoup de choses dans le monde. Il y a l'Ouganda, Idi Amin Dada, il y a les émeutes en Irlande, il y a les allers-retours de Kissinger au Vietnam. Et malgré tout, quand vous regardez les archives des journaux, il est frappant de voir que les péripéties de Reykjavik dominent les unes du New York Times, du Washington Post et des journaux du monde entier. Et le public, y compris les non-joueurs, suit avec avidité les aléas de ce championnat du monde. Le suspense est à son comble après la 5e partie, remportée par Fischer après une énorme erreur de Spassky. Le 23 juillet, quand commence la 6e partie, les deux joueurs sont à égalité. Or, dès le premier coup, Fischer surprend tout le monde par une ouverture qui ne fait pas partie de son répertoire habituel. Alors, c'est une partie cruciale, parce que pour la première fois dans le match, Fischer ouvre de manière différente. Axel Delorme, grand maître international et enseignant. Au lieu de jouer son pion E de deux cases, il joue un gambit-dame. C'est qu'on sacrifie un pion pour ensuite pouvoir obtenir ce qu'on appelle des compensations, c'est-à-dire des pièces mieux développées ou un majeur contrôle du centre. C'est une ouverture qui est considérée comme un peu plus calme, ce qui n'est pas toujours son cas, Fischer. Et surtout, il va dominer son adversaire avec un fou contre un cavalier. Encore aujourd'hui, on regarde cette partie dans les écoles d'échecs. Elle reste aussi parce qu'elle est jouée à un moment crucial, un moment où il y a 2-2, et un moment où Fischer prend l'avantage. C'est une partie magnifique, difficile à décrire à des non-joueurs, mais elle avait une sorte de pureté, une merveilleuse simplicité. Elle est jouée de façon irréprochable. Fischer ressemble alors à un prototype de Deep Blue, l'ordinateur qui battrait plus tard Kasparov et qui ferait la preuve de la supériorité de la machine sur l'homme. C'est une partie merveilleusement simple et élégante. Et à la fin de la partie, Spassky se lève et applaudit, reconnaissant ainsi avoir été le témoin privilégié d'un grand moment de l'art et de la science des échecs. Cette fois, les dieux des échecs sont avec Fischer. L'Américain a remporté hier la 6e partie du championnat du monde des échecs. Il mène maintenant par 3,5 à 2,5. Boris Spassky, le champion, n'a rien pu faire. Après avoir examiné la situation une dernière fois, le soviétique a abandonné au 41e coup en tendant sportivement la main à son adversaire. Bobby Fischer s'est alors levé sous un tonnerre d'applaudissements, mais comme une grande diva qui se respecte, il n'a même pas pris la peine de remercier les spectateurs. Fischer prend l'avantage et enchaîne les victoires. Spassky, dont l'impassibilité est légendaire, donne désormais des signes d'épuisement psychique. Le regard fixe, les mains crispées, il semble perdu, hagard, presque KO. Et le 30 juillet, les spectateurs découvrent à l'entrée de la salle cet écriteau. Spassky est malade. Spassky, affirment d'autres, attend des ordres de Moscou, car sa défaite en Union soviétique aurait l'allure d'une catastrophe nationale. Spassky hésite. Spassky se fait porter malade. Fischer réclame la photocopie du certificat médical. Spassky attend avant de reprendre le match et certains observateurs se demandent s'il ne va pas abandonner le championnat plutôt que de subir une défaite définitive et catastrophique. Le psyché d'un joueur d'échecs, c'est fragile. Quand on joue une mauvaise partie, ça peut nous donner l'impression qu'on a perdu ses moyens. Quand vous jouez contre Fischer, les pièces se déplacent d'une manière différente maintenant. Pourquoi? On ne sait pas. Et c'est ça, c'est l'influence d'un fort joueur qui est en face de vous. Parfois, vous avez l'impression de ne rien comprendre dans la partie. Et ça, c'est grave. Quand ça arrive, ça, c'est très grave. Si vous jouez un tournoi, vous pouvez prendre du plaisir. Mais lors d'un championnat du monde, les émotions négatives l'emportent sur les émotions positives, car vous voulez tuer votre adversaire. C'est propre au championnat du monde. Le champion du monde doit avoir un instinct d'assassin, en plus de son potentiel créatif. En tant que chef d'armée, vous ne pouvez gagner que si vous êtes organisé pour détruire l'armée adverse. Votre esprit doit être concentré sur l'anéantissement de l'adversaire. Spassky va retrouver son instinct d'assassin le temps d'une partie, la 11e. La 11e partie, Spassky va réussir petit à petit à encercler la dame de son adversaire. Et il va remporter la partie d'une assez belle manière. Donc le score passe à 6,5, 4,5. Spassky pointe après 10 parties sans gagner et il reprend espoir. Mais la partie clé va se montrer quand même, ça va être la 13e. Un combat incroyable dans lequel Fischer va sacrifier une pièce pour plein de pions et il va jouer une finale qui est même aujourd'hui une finale extraordinaire. C'est parce qu'il va être tout près de la nulle, mais la position est tellement compliquée que finalement il va commettre une erreur et il va la perdre. À Moscou, ils se sont beaucoup inquiétés, beaucoup. Ils ont vu que ça va ça va mal finir. Et ils ont envoyé les deux psychiatres. Les deux psychiatres, qui sont là incognito, se contentent d'observer le champion de loin. Ils ne décèlent chez Spassky aucun signe d'effondrement psychologique. Le camp soviétique accuse alors les Américains d'avoir mis Spassky sur écoute afin d'espionner les séances d'analyse et de préparation. C'est vraiment extrêmement plausible, même s'il ne s'agit entre guillemets que d'échecs, vu la présence de la presse, la présence des médias, la visibilité de cette rencontre. Évidemment, on cherche à mettre toutes les chances de son côté. Donc le fait de s'espionner mutuellement, c'est à peu près probable. Ça fait partie d'une sorte de culture reposant sur des faits réels, mais reposant également sur une paranoïa créée depuis l'URSS. L'Occident est un lieu où l'on cherchera à vous espionner, à vous déstabiliser. Ça participe d'un comportement. Ensuite, oui, il est probable qu'il y avait différents dispositifs technologiques ou humains de se renseigner sur ce qui se passait. Mais le camp soviétique va plus loin. Et le 22 août, Yefim Geller, le second de Spassky, envoie à la presse le communiqué suivant. Les nombreux caprices de M. Fischer, ses réclamations, ses retards systématiques, sa volonté de jouer à huis clos, ses protestations injustifiées, ont pour objectif de faire pression sur son adversaire, de déstabiliser M. Spassky et d'anéantir sa combativité. Nous avons reçu certaines lettres mentionnant la présence dans l'auditorium de dispositifs électroniques et de substances chimiques destinées à influencer M. Spassky. Ces lettres évoquent en particulier la chaise de M. Fischer et l'influence de l'éclairage de la scène, éclairage spécialement installé à la demande des États-Unis. Certes, tout cela peut paraître extravagant, mais certains facteurs objectifs semblent accréditer de telles suppositions. Pourquoi, par exemple, M. Fischer s'élève-t-il à ce point contre la retransmission télévisée du match, malgré les pertes financières que cela implique ? Peut-être parce qu'il craint ce contrôle objectif du comportement des participants. Et pourquoi M. Fischer doit-il avoir sa propre chaise alors que les deux fauteuils sont apparemment identiques et fabriqués par la même société américaine ? J'ajouterai que connaissant M. Spassky depuis de nombreuses années, c'est la première fois que j'observe un tel relâchement de sa concentration et des traces d'impulsivité dans son jeu, que je ne saurais imputer au jeu impressionnant de M. Fischer. En conséquence, nous demandons à ce que l'auditorium et ce qu'il contient soit expertisé de toute urgence. De la désinformation faisant croire qu'il pourrait y avoir ce type de manipulation pendant la rencontre, c'est le principe même de l'espionnage et de la désinformation. C'est d'avoir une série de jeux de miroir et de jeux de voile pour laisser soupçonner qu'il pourrait y avoir quelque chose dont on sait qu'il n'est pas présent, mais de manière à ce que l'adversaire le croit pour créer des inquiétudes et donc le déstabiliser. Que ce soit vrai ou non, c'est pas grave. Ce qui importe, c'est que l'autre le croit. Et donc, lui faire perdre du temps dans des recherches inutiles, ou simplement l'inquiéter, le déstabiliser. Et on le sait, il y a eu dans les années, à partir des années 50 aux années 70, il y a eu des programmes américains cherchant à expérimenter sur le contrôle mental par différentes substances ou différents procédés, qu'il s'agisse du son, de la lumière ou de différentes drogues. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas altérer certaines gènes ou certaines réactions à travers des substances pour obtenir le comportement désiré ? Tout ceci nourrit en fait les fantasmes de services secrets contrôlant en réalité la marche des événements, parce que dans l'univers absurde de la guerre froide, l'on cherche à avoir une logique. Tout ceci se rejoint entre les expérimentations dans les drogues, l'essor de la science-fiction. Tout ceci contribue à créer un contexte dont les services secrets peuvent se servir. On convoque alors un ingénieur électricien et un chimiste. Les deux hommes effectuent des tests, des prélèvements et des analyses. Ils radiographient les fauteuils et démontent les lampes. C'est précisément dans le système d'éclairage qu'ils découvrent les cadavres de deux mouches. Les journalistes se régalent, les soviétiques enragent. On assiste à une détérioration actuellement des relations entre Américains et Soviétiques. Ce n'est pas de politique qu'il s'agit, mais d'échecs. L'envoyé spécial de l'agence TASS révèle en effet que lors du championnat du monde d'échecs à Reykjavik, le joueur américain Fischer se ferait aider maintenant par un ordinateur. Un ordinateur situé dans l'un des plus grands centres de calcul électronique des États-Unis. Un ordinateur qui suivra chaque coup de la partie. C'est de la concurrence déloyale, affirme le journaliste soviétique. Mais que ne ferait-on pas pour gagner, surtout quand l'enjeu est d'importance? I don't think Fischer... Je ne crois pas que Fischer aurait triché. Ce n'était pas dans sa nature. There was a famous game many years earlier where Fischer had touched a piece. Il y eut une partie célèbre des années plus tôt où Fischer avait touché une pièce sans le faire exprès. À peine l'avait-il touché qu'il réalisa que s'il jouait cette pièce, cela lui serait fatal. Or, son adversaire n'était pas en face de lui à ce moment-là. Quelqu'un de moins honorable que Fischer aurait essayé de cacher qu'il avait touché la pièce. Fischer n'a pas fait cela. Il a joué la pièce comme l'impose la règle. Voilà comment était Fischer. Il jouait aux échecs comme un gentleman. Il se considérait comme le meilleur joueur du monde depuis déjà 10 ans. Maintenant, il avait l'occasion de le prouver. C'est pourquoi il voulait gagner à la loyale. In the name of FIDE, the International Chess Federation, I proclaim Mr. Robert Fischer as the chess champion of the world. Ce fut un coup terrible pour Spassky. Bien sûr, il était champion du monde et il avait perdu sa couronne. Mais bien plus que cela, il avait été battu par un Américain. Les Soviétiques régnaient depuis la Seconde Guerre mondiale. C'était très important pour eux. On jouait aux échecs dans toute l'Union soviétique, alors qu'aux États-Unis, les échecs étaient un jeu très marginal. Boris Spassky est rentré la queue entre les jambes. Il pouvait craindre pour son avenir. Mark Taimanov, le grand maître qui avait perdu face à Fischer 6-0 peu auparavant, avait été fouillé à son retour en URSS. Et on avait trouvé dans ses bagages un livre interdit de Solzhenitsyn. Les répercussions avaient été très graves, dont Spassky pouvait avoir peur. Il n'avait jamais été très en cour auprès des autorités soviétiques, qui le considéraient comme paresseux et, plus grave, ne le considéraient pas comme un communiste. De fait, il n'était pas communiste. Les journaux ont présenté le match comme l'affrontement de l'individu américain et du bon communiste. Ce n'était pas ça du tout. Spassky n'était pas un bon communiste, d'un point de vue idéologique. Mais désormais, il était en disgrâce. Et les Soviétiques devaient trouver un nouveau challenger pour affronter Fischer. Et ils le trouvèrent en la personne d'un jeune et prometteur soviétique du nom d'Anatoly Karpov. Contrairement à Spassky, Karpov est un idéologue digne de confiance, un bon communiste. C'est ainsi que l'attention se tourne alors vers Anatoly Karpov, l'homme qui pourrait reprendre la couronne des mains de Bobby Fischer. Вот прекрасно, ты и защитишь. Но учти, что Фишер очень ярок. Он даже спит с доской, силы въем. Он играет чисто без помарок. La guerre froide sur un échiquier avec Emilia Robin, David Edmonds, Jan Timman, Darko Anic, Axel Delorme et la voix de Maël Genet. Archivina Gwen Michel. Documentation Anne-Lise Simeret, prise de son Olivier Dupré. Un documentaire d'Olivier Sichelski, réalisé par Vincent Beck. Coordination Christine Bernard. L'histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30 pour vous tailler le portrait d'un assassin. Mais c'est une autre histoire.